papa, je vois pas. Tous les chemins m'ont l'air si sombres, ça me fait peur, pas toi, pas toi. Je suis dans le lit, je t'ai pardonné. Je suis dans le lit, je t'ai pardonné. Oh papa, tu sais parfois j'ai l'impression de lâcher prise. Comme si quelqu'un tenait les ficelles, ne t'en va pas non. Je ne me vois pas sans toi. J'ai horreur des adieux ou des au revoir. Je fais des cauchemars, je rêve juste de la belle vie. Pardonne-moi des mensonges que je t'ai peut-être dit. Sans me rendre compte que c'est à moi que je mentais. Oh papa, si tu savais comme je t'aime. Oh papa, je vois pas. Tous les chemins m'ont l'air si sombres. Ça me fait peur, pas toi. À toi, à toi. Oh papa, je vois pas. Tous les chemins m'ont l'air si sombres. Ça me fait peur, pas toi. À toi. À toi. Ça faisait longtemps que je t'avais pas dit je t'aime. Ils se font rares, c'est de l'amour, c'est pas de la tristesse. Les silences en disent long parfois. Pour m'endormir j'imagine le son de ta voix. Ça tombe si vite dans ma sphère. Les mots dont je me rappelle, on sera les derniers sur la terre. Un homme à qui je dois tout, qui soigne même le sang de la veille. Guérisse mon cœur, si le ciel le prend il faudra me prendre avec. Je suis dans le lit, je t'ai pardonné. Je suis dans le lit, je t'ai pardonné. Oh papa, je vois pas. Tous les chemins m'ont l'air si sombres. Ça me fait peur, pas toi. Pas toi, pas toi. Oh papa, je vois pas. Tous les chemins m'ont l'air si sombres. Ça me fait peur, pas toi. À toi, à toi.